Livre huitième, chapitre 4. Lasciate ogni speranza. Au Moyen Âge, quand un édifice était complet, il y en avait presque autant dans la terre que dehors. À moins d'être bâti sur pilotis comme Notre-Dame, un palais, une forteresse, une église avaient toujours un double fond. Dans les cathédrales, c'était en quelque sorte une cathédrale souterraine. Basse, obscure, mystérieuse, aveugle et muette, sous la nef supérieure, qui regorgeait de lumière et retentissait d'orgues et de cloches, jour et nuit. Quelquefois c'était un sépulcre. Dans les palais, dans les bastilles, c'était une prison. Quelquefois aussi un sépulcre. Quelquefois les deux ensemble. Ces puissantes bâtisses dont nous avons expliqué ailleurs le mode de formation et de végétation n'étaient pas simplement des fondations, mais pour ainsi dire des racines qui allaient se ramifiant dans le sol, en chambres, en galeries, en escaliers, comme la construction d'en haut. Ainsi, églises, palais, bastilles avaient de la terre à mi-corps. Les caves d'un édifice étaient un autre édifice où l'on descendait au lieu de monter, et qui appliquait ses étages souterrains sous le monceau d'étages extérieurs du monument, comme ces forêts et ces montagnes qui se renversent dans l'eau miroitante d'un lac au-dessous des forêts et des montagnes du bord. À la Bastille Saint-Antoine, au Palais de Justice de Paris, au Louvre, ces édifices souterrains étaient des prisons. Les étages de ces prisons, en s'enfonçant dans le sol, allaient se rétrécissant et s'assombrissant. C'était autant de zones où s'échelonnaient les nuances de l'horreur. Dante n'a rien pu trouver de mieux pour son enfer. Ces entonnoirs de cachots aboutissaient d'ordinaire à un cul de basse fosse, à fond de cuve. Où Dante a mis Satan, où la société mettait le condamné à mort. Une fois une misérable existence enterrée là, adieu le jour, l'air, la vie, ogni speranza. Elle n'en sortait que pour le gibet ou le bûcher. Quelquefois elle y pourrissait. La justice humaine appelait cela « oublier ». Entre les hommes et lui, le condamné sentait peser sur sa tête un entassement de pierres et de geôliers. Et la prison tout entière, la massive Bastille, n'était plus qu'une énorme serrure compliquée qui le cadenassait hors du monde vivant. C'est dans un fond de cuve de ce genre, dans les oubliettes creusées par Saint-Louis, dans l'Inpatch de la Tournelle, qu'on avait, de peur d'évasion sans doute, déposé la Esmeralda condamnée au gibet, avec le colossal palais de justice sur la tête. Pauvre mouche, qui n'eût pu remuer le moindre de ses moellons. Certes, la Providence et la société avaient été également injustes. Un tel luxe de malheur et de torture n'était pas nécessaire pour briser une si frêle créature. Elle était là, perdue dans les ténèbres, ensevelie, enfouie, murée. Qui l'eût pu voir en cet état, après l'avoir vue rire et danser au soleil, eût frémi. Froide comme la nuit, froide comme la mort, plus un souffle d'air dans ses cheveux, plus un bruit humain à son oreille, plus une lueur de jour dans ses yeux. Brisée en deux, écrasée de chaînes, accroupie près d'une cruche et d'un pain, sur un tas de paille dans la mare d'eau qui se formait sous elle, des suintements du cachot. Sans mouvement, presque sans haleine. Elle n'en était même plus à souffrir. Phébus, le soleil, midi, le grand air, les rues de Paris, les danses aux applaudissements, les doux babillages d'amour avec l'officier. Puis le prêtre, la matrule, le poignard, le sang, la torture, le gibet. Tout cela reparaissait bien encore dans son esprit, tantôt comme une vision charmante et dorée, tantôt comme un cauchemar difforme. Mais ce n'était plus qu'une lutte horrible et vague qui se perdait dans les ténèbres, ou qu'une musique lointaine qui se jouait là-haut sur la terre et qu'on n'entendait plus à la profondeur où la malheureuse était tombée. Depuis qu'elle était là, elle ne veillait ni ne dormait. Dans cette infortune, dans ce cachot, elle ne pouvait pas plus distinguer la veille du sommeil, le rêve de la réalité, que le jour de la nuit. Tout cela était mêlé, brisé, flottant, répandu confusément dans sa pensée. Elle ne sentait plus, elle ne savait plus, elle ne pensait plus. Tout au plus, elle songeait. Jamais créature vivante n'avait été engagée si avant dans le néant. Ainsi, engourdie, gelée, pétrifiée, à peine avait-elle remarqué deux ou trois fois le bruit d'une trappe qui s'était ouverte quelque part au-dessus d'elle, sans même laisser passer un peu de lumière, et par laquelle une main lui avait jeté une croûte de pain noir. C'était pourtant l'unique communication qui lui resta avec les hommes, la visite périodique du geôlier. Une seule chose occupait encore machinalement son oreille. Au-dessus de sa tête, l'humidité filtrait à travers les pierres moisies de la voûte, et à intervalles égaux, une goutte d'eau s'en détachait. Elle écoutait stupidement le bruit que faisait cette goutte d'eau en tombant dans la mare à côté d'elle. Cette goutte d'eau tombant dans cette mare, c'était là le seul mouvement qui remua encore autour d'elle, la seule horloge qui marqua le temps, le seul bruit qui vint jusqu'à elle de tout le bruit qui se fait sur la surface de la terre. Pour tout dire, elle sentait aussi de temps en temps, dans ce cloaque de fange et de ténèbres, quelque chose de froid qui lui passait çà et là sur le pied ou sur le bras, et elle frissonnait. Depuis combien de temps y était-elle? Elle ne le savait. Elle avait souvenir d'un arrêt de mort prononcé quelque part, contre quelqu'un, puis qu'on l'avait emportée, elle, et qu'elle s'était réveillée dans la nuit et dans le silence, glacée. Elle s'était traînée sur les mains. Alors des anneaux de fer lui avaient coupé la cheville du pied, et des chaînes avaient sonné. Elle avait reconnu que tout était muraille autour d'elle, qu'il y avait au-dessous d'elle une dalle couverte d'eau et une botte de paille, mais ni lampe, ni soupirail. Alors elle s'était assise sur cette paille, et quelquefois pour changer de posture, sur la dernière marche d'un degré de pierre qu'il y avait dans son cachot. Un moment, elle avait essayé de compter les noires minutes que lui mesurait la goutte d'eau. Mais bientôt, ce triste travail d'un cerveau malade s'était rompu de lui-même dans sa tête, et elle l'avait laissé dans la stupeur. Un jour, enfin, ou une nuit, car minuit et midi avaient même couleur dans ce sépulcre, elle entendit au-dessus d'elle un bruit plus fort que celui que faisait d'ordinaire le guichetier quand il lui apportait son pain et sa cruche. Elle leva la tête et vit un rayon rougeâtre passer à travers les fentes de l'espèce de porte ou de trappe pratiquée dans la voûte de l'impace. En même temps, la lourde ferrure cria, la trappe grinça sur ses gonds rouillés, tourna, et elle vit une lanterne, une main et la partie inférieure du corps de deux hommes, la porte étant trop basse pour qu'elle pût apercevoir leur tête. La lumière la blessa si vivement qu'elle ferma les yeux. Quand elle les rouvrit, la porte était refermée. Le falot était posé sur un degré de l'escalier. Un homme seul était debout devant elle. Une cagoule noire lui tombait jusqu'aux pieds. Un cafard d'homme de même couleur lui cachait le visage. On ne voyait rien de sa personne, ni sa face, ni ses mains. C'était un long suaire noir qui se tenait debout et sous lequel on sentait remuer quelque chose. Elle regarda fixement quelques minutes cette espèce de spectre. Cependant, elle ni lui ne parlait. On eût dit deux statues qui se confrontaient. Deux choses seulement semblaient vivre dans le caveau, la mèche de la lanterne qui pétillait à cause de l'humidité de l'atmosphère et la goutte d'eau de la voûte qui coupait cette crépitation irrégulière de son clapotement monotone et faisait trembler la lumière de la lanterne en moire concentrique sur l'eau huileuse de la mare. Enfin, la prisonnière rompit le silence. « Qui êtes-vous ? » « Un prêtre. » Le mot, l'accent, le son de voix la firent tressaillir. Le prêtre poursuivit en articulant sourdement. « Êtes-vous préparée ? » « À quoi ?»« À mourir. »« Oh, dit-elle, ce sera bientôt. » « Demain. » Sa tête, qui s'était levée avec joie, revint frapper sa poitrine. « C'est encore bien long, murmura-t-elle. Qu'est-ce que cela leur faisait aujourd'hui ?»« Vous êtes donc très malheureuse, demanda le prêtre après un silence. « J'ai bien froid, répondit-elle. Elle prit ses pieds avec ses mains, geste habituel aux malheureux qui ont froid et que nous avons déjà vu faire à la recluse de la tour Roland, et ses dents claquaient. Le prêtre parut promener de dessous son capuchon ses yeux dans le cachot. « Sans lumière, sans feu, dans l'eau, c'est horrible. »« Oui, répondit-elle avec l'air étonné que le malheur lui avait donné. Le jour est à tout le monde, pourquoi ne me donne-t-on que la nuit ?»« Savez-vous, reprit le prêtre après un nouveau silence, pourquoi vous êtes ici ?»« Je crois que je l'ai su, dit-elle en passant ses doigts maigres sur ses sourcils, comme pour aider sa mémoire. Mais je ne le sais plus. » Tout à coup, elle se mit à pleurer comme un enfant. « Je voudrais sortir d'ici, monsieur. J'ai froid, j'ai peur, et il y a des bêtes qui me montent le long du corps. »« Eh bien, suivez-moi. » En parlant ainsi, le prêtre lui prit le bras. La malheureuse était gelée jusque dans les entrailles. Cependant, cette main lui fit une impression de froid. « Oh ! » murmura-t-elle, « c'est la main glacée de la mort. Qui êtes-vous donc ?» Le prêtre releva son capuchon. Elle regarda. C'était ce visage sinistre qui la poursuivait depuis si longtemps. Cette tête de démon qui lui était apparue chez la Falourdel, au-dessus de la tête adorée de son Phébus. Cet œil qu'elle avait vu pour la dernière fois, briller près d'un poignard. Cette apparition, toujours si fatale pour elle, et qui l'avait ainsi poussée de malheur en malheur jusqu'au supplice, l'attira de son engourdissement. Il lui sembla que l'espèce de voile qui s'était épaissie sur sa mémoire se déchirait. Tous les détails de sa lugubre aventure, depuis la scène nocturne chez la Falourdel jusqu'à sa condamnation à la Tournelle, lui revinrent à la fois dans l'esprit. Non pas vague et confus comme jusqu'alors, mais distinct, cru, tranché, palpitant, terrible. Ses souvenirs à demi effacés et presque oblitérés par l'excès de la souffrance, la sombre figure qu'elle avait devant elle les raviva. Comme l'approche du feu fait ressortir toute fraîche sur le papier blanc les lettres invisibles qu'on y a tracées avec de l'encre sympathique. Il lui sembla que toutes les plaies de son cœur se rouvraient et saignaient à la fois. « Oh ! » cria-t-elle, les mains sur ses yeux et avec un tremblement convulsif. « C'est le prêtre !» Puis elle laissa tomber ses bras découragés et resta assise, la tête baissée, l'œil fixé à terre, muette et continuant de trembler. Le prêtre la regardait de l'œil d'un Milan qui a longtemps plané en rond de plus haut du ciel autour d'une pauvre alouette tapie dans les blés, qui a longtemps rétréci en silence les cercles formidables de son vol, et tout à coup s'est abattue sur sa proie comme la flèche de l'éclair et la tient pantelante dans sa griffe. Elle se mit à murmurer tout bas « Achevez, achevez le dernier coup !» Et elle enfonçait sa tête avec terreur entre ses épaules, comme la brebis qui attend le coup de massue du boucher. « Je vous fais donc horreur, » dit-il enfin. Elle ne répondit pas. « Est-ce que je vous fais horreur ? » répéta-t-il. Ses lèvres se contractèrent, comme si elle souriait. « Oui, » dit-elle. « Le bourreau raille le condamné. Voilà des mois qu'il me poursuit, qu'il me menace, qu'il m'épouvante. Sans lui, mon Dieu, que j'étais heureuse. C'est lui qui m'a jetée dans cet abîme, ô ciel. C'est lui qui a tué, C'est lui qui l'a tué, mon Phébus. » Ici, éclatant en sanglots et levant les yeux sur le prêtre. « Oh, misérable, qui êtes-vous? Que vous ai-je fait? Vous me haïssez donc bien. Hélas, qu'avez-vous contre moi ?»« Je t'aime !» cria le prêtre. Ses larmes s'arrêtèrent subitement. Elle le regarda avec un regard d'idiot. Lui était tombé à genoux et la couvait d'un œil de flamme. « Entends-tu? Je t'aime !» cria-t-il encore. « Quel amour !» dit la malheureuse en frémissant. Il reprit « L'amour d'un damné !» Tous deux restèrent quelques minutes silencieux, écrasés sous la pesanteur de leurs émotions. Lui, insensé, elle stupide. « Écoute !» dit enfin le prêtre. Et un calme singulier lui était revenu. « Tu vas tout savoir. Je vais te dire ce que jusqu'ici j'ai à peine osé me dire à moi-même. » Lorsque j'interrogeais furtivement ma conscience à ces heures profondes de la nuit où il y a tant de ténèbres qu'il semble que Dieu ne nous voit plus. Écoute, avant de te rencontrer, jeune fille, j'étais heureux. Et moi, soupira-t-elle faiblement. Ne m'interromps pas. Oui, j'étais heureux. Je croyais l'être du moins. J'étais pure. J'avais l'âme pleine d'une clarté limpide. Pas de tête qui ne s'éleva plus fière et plus radieuse que la mienne. Les prêtres me consultaient sur la chasteté, les docteurs sur la doctrine. Oui, la science était tout pour moi. C'était une sœur, et une sœur me suffisait. Ce n'est pas qu'avec l'âge, il ne me fut venu d'autres idées. Plus d'une fois ma chair s'était émue au passage d'une forme de femme. Cette force du sexe et du sang de l'homme, que folle adolescent, j'avais cru étouffé pour la vie, avait plus d'une fois soulevé convulsivement la chaîne des vœux de fer qui me scellent, misérable, aux froides pierres de l'autel. Mais le jeûne, la prière, l'étude, les macérations du cloître avaient refait l'âme maîtresse du corps. Et puis, j'évitais les femmes. D'ailleurs, je n'avais qu'à ouvrir un livre pour que toutes les impures fumées de mon cerveau s'évanouissent devant la splendeur de la science. En peu de minutes, je sentais fuir au loin les choses épaisses de la terre, et je me retrouvais calme, ébloui et serein, en présence du rayonnement tranquille de la vérité éternelle. Tant que le démon n'envoya pour m'attaquer que de vagues ombres de femmes qui passaient éparses sous mes yeux, dans l'église, dans les rues, dans les prés, et qui revenaient à peine dans mes songes, je le vainquis aisément. Et hélas, si la victoire ne m'est pas restée, la faute en est à Dieu, qui n'a pas fait l'homme et le démon de force égale. Écoute, un jour... » Ici le prêtre s'arrêta, et la prisonnière entendit sortir de sa poitrine des soupirs qui faisaient un bruit de râle et d'arrachement. Il reprit. Un jour, j'étais appuyé à la fenêtre de ma cellule. Quel livre lisais-je donc? Oh, tout cela est un tourbillon dans ma tête. Je lisais. La fenêtre donnait sur une place. J'entends un bruit de tambour et de musique. Fâché d'être ainsi troublé dans ma rêverie, je regarde dans la place. Ce que je vis, il y en avait d'autres que moi qui le voyaient. Et pourtant, ce n'était pas un spectacle fait pour des yeux humains. Là, au milieu du pavé, il était midi, un grand soleil, une créature dansait, une créature si belle que Dieu l'eût préférée à la Vierge et l'eût choisie pour sa mère et eût voulu naître d'elle si elle eût existé quand il se fit homme. Ses yeux étaient noirs et splendides. Au milieu de sa chevelure noire, quelques cheveux que pénétrait le soleil blondissaient comme des fils d'or. Ses pieds disparaissaient dans leurs mouvements comme des rayons d'une roue qui tourne rapidement. Autour de sa tête, dans ses nattes noires, il y avait des plaques de métal qui pétillaient au soleil et faisaient à son front une couronne d'étoiles. Sa robe semée de paillettes scintillait bleue et piquée de mille étincelles comme une nuit d'été. ses bras souples et bruns se nouaient et se dénouaient autour de sa taille comme deux écharpes. La forme de son corps était surprenante de beauté. Oh, la resplendissante figure qui se détachait comme quelque chose de lumineux dans la lumière même du soleil. Hélas, jeune fille, c'était toi. Surpris, enivré, charmé, je me laissais aller à te regarder. Je te regardais tant que tout à coup je frissonnais d'épouvante, je sentis que le sort me saisissait. Le prêtre, oppressé, s'arrêta encore un moment. Puis il continua. Déjà à demi fasciné, j'essayais de me cramponner à quelque chose et de me retenir dans ma chute. Je me rappelais les embûches que Satan m'avait déjà tendues. La créature qui était sous mes yeux avait cette beauté surhumaine qui ne peut venir que du ciel ou de l'enfer. Ce n'était pas là une simple fille, faite avec un peu de notre terre et pauvrement éclairée à l'intérieur par le vacillant rayon d'une âme de femme. C'était un ange, mais de ténèbres, mais de flammes, et non de lumière. Au moment où je pensais cela, je vis près de toi une chèvre, une bête du sabbat, qui me regardait en riant. Le soleil de midi lui faisait des cornes de feu. Alors j'entrevis le piège du démon, et je ne doutais plus que tu ne vinsses de l'enfer, et que tu n'en vinsses pour ma perdition. Je le crus. Ici le prêtre regarda en face la prisonnière et ajouta froidement « Je le crois encore. » Cependant, le charme opérait peu à peu. Ta danse me tournoyait dans le cerveau. Je sentais le mystérieux maléfice s'accomplir en moi. Tout ce qui aurait dû veiller s'endormait dans mon âme. Et comme ceux qui meurent dans la neige, je trouvais du plaisir à laisser venir ce sommeil. Tout à coup, tu te mis à chanter. Que pouvais-je faire, misérable? Ton chant était plus charmant encore que ta danse. Je voulus fuir. Impossible. J'étais cloué. J'étais enraciné dans le sol. Il me semblait que le marbre de la dalle m'était monté jusqu'aux genoux. Il fallut rester jusqu'au bout. Mes pieds étaient de glace. Ma tête bouillonnait. Enfin, tu eus peut-être pitié de moi. Tu cessas de chanter, tu disparus. Le reflet de l'éblouissante vision, le retentissement de la musique enchanteresse, s'évanouirent par degrés dans mes yeux et dans mes oreilles. Alors je tombai dans l'encoignure de la fenêtre, plus raide et plus faible qu'une statue décellée. La cloche de vêpres me réveilla, je me relevai, je m'enfuis. Mais hélas, il y avait en moi quelque chose de tombé qui ne pouvait se relever. Quelque chose de survenu que je ne pouvais fuir. Il fit encore une pause et poursuivit. Oui, à dater de ce jour, il y eut en moi un homme que je ne connaissais pas. Je voulus user de tous mes remèdes, le cloître, l'autel, le travail, les livres. Folie! Oh, que la science sonne creux quand on y vient heurter avec désespoir une tête pleine de passion. Sais-tu, jeune fille, ce que je voyais toujours désormais entre le livre et moi? Toi, ton ombre, l'image de l'apparition lumineuse qui avait un jour traversé l'espace devant moi. Mais cette image n'avait plus la même couleur. Elle était sombre, funèbre, ténébreuse, comme le cercle noir qui poursuit longtemps la vue de l'imprudent qui a regardé fixement le soleil. Ne pouvant m'en débarrasser, entendant toujours ta chanson bourdonner dans ma tête, voyant toujours tes pieds danser sur mon bréviaire, sentant toujours la nuit en songe, ta forme glisser sur ma chair, je voulus te revoir, te toucher, savoir qui tu étais, voir si je te retrouverais bien pareil à l'image idéale qui m'était restée de toi. Briser peut-être mon rêve avec la réalité. En tout cas, j'espérais qu'une impression nouvelle effacerait la première, et la première m'était devenue insupportable. Je te cherchais, je te revis. Malheur, quand je t'eus vu deux fois, je voulus te voir mille, je voulus te voir toujours. Alors, comment enrayer cette pente de l'enfer? Alors je ne m'appartins plus. L'autre bout du fil que le démon m'avait attaché aux ailes, il l'avait noué à ton pied. Je devins vague et errant comme toi. Je t'attendais sous les porches, je t'épiais au coin des rues, je te guettais du haut de ma tour. Chaque soir, je rentrais en moi-même, plus charmé, plus désespéré, plus ensorcelé, plus perdu. J'avais su qui tu étais, égyptienne, bohémienne, gitane, zingara. Comment douter de la magie? Écoute, j'espérais qu'un procès me débarrasserait du charme. Une sorcière avait enchanté Bruno d'Ast. Il la fit brûler et fut guéri. Je le savais, je voulus essayer du remède. J'essayais d'abord de te faire interdire le parvis Notre-Dame, espérant t'oublier si tu ne revenais plus. Tu n'en tins compte, tu revins. Puis il me vint l'idée de t'enlever. Une nuit, je le tentai, nous étions deux, nous te tenions déjà. Quand ce misérable officier survint, il te délivra. Il commençait ainsi ton malheur, le mien et le sien. Enfin, ne sachant plus que faire et que devenir, je te dénonçai à l'official. Je pensais que je serais guéri, comme Bruno d'Ast. Je pensais aussi confusément qu'un procès te livrerait à moi, que dans une prison je te tiendrais, je t'aurais, que là, tu ne pourrais m'échapper. Que tu me possédais depuis assez longtemps pour que je te possédasse aussi à mon tour. Quand on fait le mal, il faut faire tout le mal. Démence de s'arrêter au milieu dans le monstrueux. L'extrémité du crime a des délires de joie. Un prêtre et une sorcière peuvent s'y fondre en délices sur la botte de paille d'un cachot. Je te dénonçais donc. C'est alors que je t'épouvantais dans mes rencontres. Le complot que je tramais contre toi, l'orage que j'amoncelais sur ta tête, s'échappait de moi en menaces et en éclairs. Cependant, j'hésitais encore. Mon projet avait des côtés effroyables qui me faisaient reculer. Peut-être y aurais-je renoncé, peut-être ma hideuse pensée se serait-elle desséchée dans mon cerveau sans porter son fruit. Je croyais qu'il dépendrait toujours de moi de suivre ou de rompre ce procès. Mais toute mauvaise pensée est inexorable et veut devenir un fait. Mais là où je me croyais tout puissant, la fatalité était plus puissante que moi. Hélas, hélas, c'est elle qui t'a prise et qui t'a livrée au rouage terrible de la machine que j'avais ténébreusement construite. Écoute, je touche à la fin. Un jour, par un autre beau soleil, je vois passer devant moi un homme qui prononce ton nom et qui rit et qui a la luxure dans les yeux. « Damnation, je l'ai suivi, tu sais le reste. » Il se tut. La jeune fille ne put trouver qu'une parole. « Oh, mon Phébus !»« Pas ce nom !» dit le prêtre en lui saisissant le bras avec violence. Ne prononce pas ce nom. Oh, misérables que nous sommes, c'est ce nom qui nous a perdus. Ou plutôt, nous nous sommes tous perdus les uns les autres par l'inexplicable jeu de la fatalité. Tu souffres, n'est-ce pas? Tu as froid? La nuit, tu te fais aveugle, le cachot t'enveloppe. Mais peut-être as-tu encore quelque lumière au fond de toi, ne fût-ce que ton amour d'enfant pour cet homme vide qui jouait avec ton cœur. Tandis que moi, je porte le cachot au-dedans de moi. Au-dedans de moi est l'hiver, la glace, le désespoir. J'ai la nuit dans l'âme. Sais-tu tout ce que j'ai souffert? J'ai assisté à ton procès. J'étais assis sur le banc de l'official. Oui, sous l'une de ces capuches de prêtre, il y avait les contorsions d'un damné. Quand on t'a amené, j'étais là. Quand on t'a interrogé, j'étais là. Caverne de loup. C'était mon crime, c'était mon gibet que je voyais se dresser lentement sur ton front. À chaque témoin, à chaque preuve, à chaque plaidoirie, J'étais là. J'ai pu compter chacun de tes pas dans la voie douloureuse. J'étais là encore quand cette bête féroce. Oh, je n'avais pas prévu la torture. Écoute, je t'ai suivi dans la chambre de douleur. Je t'ai vu déshabillé et manié demi-nu par les mains infâmes du tourmenteur. J'ai vu ton pied, ce pied où j'eusse voulu pour un empire déposer un seul baiser et mourir. Ce pied sous lequel je sentirais tant de délices d'écraser ma tête. Je l'ai vu enserré dans l'horrible brodequin qui fait des membres d'un être vivant une boue sanglante. Oh, misérable! Pendant que je voyais cela, j'avais sous mon suaire un poignard dont je me labourais la poitrine. Au cri que tu as poussé, je l'ai enfoncé dans ma chair. À un second cri, il m'entrait dans le cœur. Regarde, je crois que cela saigne encore. Il ouvrit sa soutane. Sa poitrine, en effet, était déchirée comme par une griffe de tigre. Et il avait au flanc une plaie assez large et mal fermée. La prisonnière recula d'horreur. « Oh ! » dit le prêtre. « Jeune fille, aie pitié de moi. Tu te crois malheureuse. Hélas, hélas, tu ne sais pas ce que c'est que le malheur. Oh, aimer une femme, être prêtre, être haï, l'aimer de toutes les fureurs de son âme, sentir qu'on donnerait pour le moindre de ses sourires son sang, ses entrailles, sa renommée, son salut, l'immortalité et l'éternité, cette vie et l'autre. Regretter de ne pas être roi, génie, empereur, archange, Dieu, pour lui mettre un plus grand esclave sous les pieds. L'étreindre, nuit et jour, de ses rêves et de ses pensées, et l'avoir amoureuse d'une livrée de soldats, et n'avoir à lui offrir qu'une sale soutane de prêtre dont elle aura peur et dégoût. Être présent avec sa jalousie et sa rage, tandis qu'elle prodigue à un misérable fanfaron, imbécile, des trésors d'amour et de beauté. Voir ce corps dont la forme vous brûle, ce sein qui a tant de douceur, cette chair palpiter et rougir sous les baisers d'un autre. Ô ciel, aimez son pied, son bras, son épaule, songez à ses veines bleues, à sa peau brune, jusqu'à s'entordre des nuits entières sur le pavé de la cellule, et voir toutes les caresses qu'on a rêvées pour elle aboutir à la torture, n'avoir réussi qu'à la coucher sur le lit de cuir. Oh, ce sont là les véritables tenailles rougies au feu de l'enfer. Oh, bienheureux celui qu'on scie entre deux planches et qu'on écartèle à quatre chevaux. Sais-tu ce que c'est que ce supplice que nous font subir durant les longues nuits, vos artères qui bouillonnent, votre cœur qui crève, votre tête qui rompt, vos dents qui mordent vos mains, tourmenteur acharné qui vous retourne sans relâche, comme sur un gril ardent, sur une pensée d'amour, de jalousie et de désespoir. Jeune fille, grâce, trêve, un moment. Un peu de cendre sur cette braise. Essuie, je t'en conjure, la sueur qui ruisselle à grosses gouttes de mon front. Enfant, torture-moi d'une main, mais caresse-moi de l'autre. Aie pitié, jeune fille, aie pitié de moi. Le prêtre se roulait dans l'eau de la dalle et se martelait le crâne aux angles des marches de pierre. La jeune fille l'écoutait, le regardait. Quand il se tut, épuisé et haletant, elle répéta à demi-voix « Oh, mon Phébus !» Le prêtre se traîna vers elle à deux genoux. « Je t'en supplie, » cria-t-il, « si tu as des entrailles, ne me repousse pas. Oh, je t'aime. Je suis un misérable. Quand tu dis ce nom, malheureuse, c'est comme si tu broyais entre tes dents toutes les fibres de mon cœur. Grâce, si tu viens de l'enfer, j'y vais avec toi. J'ai tout fait pour cela. L'enfer où tu seras, c'est mon paradis. Ta vue est plus charmante que celle de Dieu. Oh, dis, tu ne veux donc pas de moi. » Le jour où une femme repousserait un pareil amour, j'aurais cru que les montagnes remueraient. Oh, si tu voulais, oh, que nous pourrions être heureux. Nous fuirions, je te ferais fuir, nous irions quelque part, nous chercherions l'endroit sur la terre où il y a le plus de soleil, le plus d'arbres, le plus de ciel bleu. Nous nous aimerions, nous verserions nos deux âmes l'une dans l'autre, et nous aurions une soif inextinguible de nous-mêmes, que nous étancherions en commun, et sans cesse, à cette coupe d'intarissable amour. » Elle l'interrompit avec un rire terrible et éclatant. « Regardez donc, mon père, vous avez du sang après les ongles. » Le prêtre demeura quelques instants comme pétrifié, l'œil fixé sur sa main. « Eh bien oui, » reprit-il enfin avec une douceur étrange. « Outrage-moi, raille-moi, accable-moi, mais viens, viens, hâtons-nous, c'est pour demain, te dis-je. Le gibet de la grève, tu sais, il est toujours prêt. C'est horrible, te voir marcher dans ce tombereau. Ô grâce, je n'avais jamais senti comme à présent à quel point je t'aimais. Ô, suis-moi, tu prendras le temps de m'aimer après que je t'aurai sauvé. Tu me haïras aussi longtemps que tu voudras, mais viens, demain, demain le gibet. Ton supplice, ô, sauve-toi, épargne-moi. » Il lui prit le bras, il était égaré, il voulut l'entraîner. Elle attacha sur lui son œil fixe. « Qu'est devenu mon Phébus ?»« Ah ! » dit le prêtre en lui lâchant le bras, « vous êtes sans pitié. »« Qu'est devenu Phébus ? » répéta-t-elle froidement. « Il est mort !» cria le prêtre. « Mort ! » dit-elle toujours glaciale et immobile. « Alors, que me parlez-vous de vivre ?» Lui ne l'écoutait pas. « Oh oui, » disait-il comme se parlant à lui-même, « il doit être bien mort. La lame est entrée très avant. Je crois que j'ai touché le cœur avec la pointe. Oh, je vivais jusqu'au bout du poignard. » La jeune fille se jeta sur lui comme une tigresse furieuse et le poussa sur les marches de l'escalier avec une force surnaturelle. « Va-t'en, monstre ! Va-t'en, assassin ! Laisse-moi mourir ! Que notre sang à tous deux te fasse au front une tache éternelle. Être à toi, prêtre, jamais, jamais. Rien ne nous réunira, pas même l'enfer. Va, maudit, jamais. » Le prêtre avait trébuché à l'escalier. Il dégagea en silence ses pieds des plis de sa robe, reprit sa lanterne et se mit à monter lentement les marches qui menaient à la porte. Il rouvrit cette porte et sortit. Tout à coup, la jeune fille vit réapparaître sa tête. Elle avait une expression épouvantable, et il lui cria avec un râle de rage et de désespoir, « Je te dis qu'il est mort !» Elle tomba la face contre terre, et l'on n'entendit plus dans le cachot d'autre bruit que le soupir de la goutte d'eau qui faisait palpiter la mare dans les ténèbres.